Faut que je te raconte. Hier, je vais sur Direct Assurance. Dans l'heure qui suit, ma voiture est assurée. Mais quand je monte dedans, mon téléphone sonne. Et là, le président, il me dit « Lola, la France a besoin de vous. Rejoignez-moi tout de suite à l'Élysée. » Mais attends, t'étais pas à l'anniversaire de ta mère hier ? Si. Ouais, en fait, t'as juste assuré ta voiture chez Direct Assurance. Ouais, voilà. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, vous faites en moyenne 230 euros d'économie. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées et conditions de l'économie sur directassurance.fr. Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. L'affaire Siala, incontestablement déclenché un véritable séisme politico-financier, restera aussi à jamais une énigme pour la police scientifique. Je veux parler de l'affaire Lucet, du nom de ce directeur de la caisse primaire de l'assurance maladie de Marseille, qui se serait suicidé en se tirant deux balles de gros calibre dans la tête. Et j'emploie le conditionnel à dessein car, au moins techniquement, la thèse du suicide paraît hautement improbable. Mais si en 1982, quelques mois après la victoire présidentielle de François Mitterrand, René Lucet ne s'est pas vraiment suicidé, qui l'a tué ? Et pourquoi ? Monsieur X va bien sûr essayer de répondre à ces questions. Cependant, avant de l'écouter, il n'est pas inutile de rappeler à tous ceux qui auraient pu oublier cette affaire vieille de plus d'un quart de siècle qu'elle a d'abord suscité une polémique politique d'une rare violence et qu'elle a débouché ensuite sur la révélation d'un vaste système de corruption. Le début d'une avalanche d'affaires qui conduira la classe politique à tenter de réglementer le financement des partis et de le moraliser un tant soit peu. Dans cette mesure, ce curieux épisode a donc marqué durablement l'histoire de la Ve République, bien au-delà du simple fait divers. Ce suicide à deux balles, comme certains l'ont appelé un peu facilement, a fait couler beaucoup d'encre. Sans que pour autant une explication claire apparaisse. C'est malheureusement vrai. Et officiellement, si j'ose dire, René Lucet reste suicidé. L'expression prête à confusion. Suicidé, quoi, comme Stavisky ou comme le célèbre Figon de l'affaire Ben Barka, c'est-à-dire assassiné. J'ai mon idée. Mais avant d'en venir à des considérations médico-légales, il est peut-être bon de dire quelques mots de l'homme lui-même. Je vous écoute alors. Lucet, c'était incontestablement un personnage. Le cheveu gominé, la mâchoire carnassière et une allure conquérante. Un homme d'action. Oui, oui. Ouais. Quand on voit ses photos, on a du mal à imaginer que ce type était essentiellement un bureaucrate. Ajoutez à ce portrait un impeccable complet croisé à rayures et vous aurez un personnage tout droit sorti d'un film américain des années 30. Ouais, film de gangster, vous voulez dire? Bon, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que dans certains milieux de Marseille, Lucet ne devait guère détonner. Alors sa carrière maintenant, ouais, bon, fils d'un propriétaire de cinéma de Fontainebleau, le jeune homme, après des études de droit, entre en 1964 à la Caisse de Sécurité Sociale de Melun. Et qui fait-il alors? C'est un modeste employé aux écritures, mais l'homme est ambitieux. Très ambitieux. Il est clair qu'il se débarrassera le plus tôt possible de ses manches en lustrine. Une image. Oui, oui, oui, une image. Il commence d'abord par passer des concours internes et gravit assez rapidement plusieurs échelons administratifs. Dès 1971, il est chef de division, puis secrétaire général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Et il en est fait les dents longues. Et en même temps, c'est très important, il se fait élire au conseil municipal de Fontainebleau. Quoi, la politique le tente? Incontestablement. Il affiche de vigoureuses convictions gaullistes, même si son grand homme est mort 2 ans plus tôt. Ouais, de Gaulle. Hein. Oui. Et ce gaulliste se révélera être également un farouche anticommuniste. Mmh. Bon, on va pas tourner autour du pot. Il est plutôt gaulliste, quoi. Tendance sac. Bon, ça n'engage que vous. Et plus tard, lorsqu'il rejoindra Marseille, il se trouvera en bonne compagnie, si je puis dire. Au sein du SAC marseillais, c'est ça ? Écoutez, je ne sais pas s'il a vraiment fait partie de cette sulfureuse organisation, mais certains de ses proches en étaient membres. À une époque où le SAC marseillais va traverser une véritable tempête. Hein. Vous voulez parler du massacre d'Auriol ? Bah oui, oui. Oui, effectivement. Et on s'est même parfois demandé s'il n'y avait pas un rapport entre cet épisode sanglant et la mort de Lucet. Bon, ben, n'allons pas trop vite. Ben voyons. Bon, alors je continue. Lucet poursuit sa brillante ascension. En 1977, il devient directeur de cette caisse de Seine-et-Marne où il a modestement débuté une dizaine d'années plus tôt. Et à son niveau, il est bien décidé à mettre de l'ordre dans cet organisme accusé de fabriquer de façon endémique des déficits. Ouais, le fameux trou de la sécu. Et il faut noter qu'à parfois bon dos. Hein, ouais, bon, enfin, il faut noter qu'à la même époque, je vous disais, le ministre de la Santé, Simone Veil, commande un rapport à un inspecteur des finances afin de mieux comprendre d'où vient ce déficit. Et de détecter les éventuels gâchis. Et même les abus et les détournements de fonds. Une caisse est particulièrement montrée du doigt, celle de Marseille. C'est pourquoi, en 1979, il est décidé d'y envoyer un fonctionnaire dynamique qui a déjà fait la preuve de ses qualités de gestionnaire. Ouais. René Lucet. Et le voilà d'un seul coup à la tête d'une grosse machine. Plus de 3000 employés et 1,5 million d'assurés sociaux. Et d'emblée, dès qu'il prend ses fonctions en novembre 1979, Lucet annonce son intention de réaliser de sévères économies de gestion. Il affirme même qu'il entend revoir tous les circuits et les modalités de paiement des assurés sociaux. Ah, il veut trancher dans le vif. Hein. Sans faire de sentiments. Mmh. Mais quelle situation trouve-t-il dans les Bouches-du-Rhône ? À Marseille, il existe un contexte très particulier. Enfin, je vous explique. Depuis le 19e siècle, on y trouve un véritable foisonnement de mutuelles. Des entités qui se chargent naturellement des remboursements complémentaires, des frais de santé de leurs adhérents, mais qui vont au-delà, en effet. En accord avec la Sécurité sociale, ces mutuelles gèrent l'ensemble du dossier médical d'un assuré, en payant par exemple directement les praticiens ou les hôpitaux. Et elles font donc le travail de la Sécu. Et ensuite, cette même Sécu les rembourse. Mmh. Ah bah, jusque-là, bon, il n'y a vraiment rien de vraiment anormal. Bah, sauf que ces mutuelles perçoivent sur chaque dossier une sorte de commission, l'équivalent de 2 ou 3 euros si l'on compte en monnaie d'aujourd'hui. Ouais. Bah, quoi, c'est le prix du travail qu'elles ont accompli, non ? Certes, mais c'est la caisse primaire qui devrait faire cette besogne. Et puis, soyons francs, ça permet à ces mutuelles de bien vivre. Ouais. En estimant un peu largement le tarif de leur commission ? Bah, vous avez tout compris. Or, il faut savoir que ces nombreuses mutuelles sont généralement gérées par des syndicats dont beaucoup sont affiliés à la CGT. Oui, je vois. Alors, il y aurait donc là un financement indirect de la centrale syndicale. C'est ce que pense aussitôt Lucet dès qu'il entre en fonction. Et pour lui, anticommuniste viscéral, il est évident qu'une partie de la manne tombe directement dans l'escarcelle du parti. Oui, le parti communiste. Donc la bagarre qu'il entame aussitôt contre les mutuelles est aussi pour lui une façon de s'attaquer au PC via la CGT, traditionnellement considérée comme étant sa courroie de transmission dans le monde syndical. Mais comment va-t-il s'y prendre ? Avant de vous répondre, je dois vous faire observer que la conjoncture syndicale à Marseille est là aussi très singulière. Et ça remonte aux années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. On y a assisté à une lutte féroce entre forces ouvrières et la CGT. Et sur fond de guerre froide. Oui, oui, il ne faut pas oublier que ce sont des fonds de la CIA qui ont permis la création de FO, syndicat dissident de la CGT. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Oui, quand on a évoqué l'action en France de l'agent américain Irving Brown. Hein. Alors inutile d'y revenir. Ouais. Sinon pour affirmer que la rivalité entre FO et CGT est demeurée très vive à Marseille. Et ailleurs. Vous avez raison. Et cette compétition s'est souvent manifestée au sein des caisses d'assurance sociale qui sont gérées de façon paritaire depuis 1967. C'est-à-dire entre les syndicats ouvriers et patronaux. Et hein. C'est ainsi qu'avec parfois l'appui des instances patronales, FO a pu mettre la main sur un certain nombre de caisses. Et ne croyez pas que je m'éloigne de notre sujet d'aujourd'hui, car René Lucet est personnellement affilié au syndicat Force Ouvrière. Ce qui va le renforcer dans sa volonté d'affaiblir l'influence de la CGT, alors. Alors, vous m'interrogiez à propos de la façon dont Lucet a agi. Ben, c'est assez simple. Hein. Il a très vite interdit à ses services de transmettre de nouveaux dossiers aux mutuelles. Et procédant ainsi, il ne cache pas qu'il veut non seulement assainir la gestion de la caisse, mais aussi et peut-être surtout assécher le financement du Parti communiste. Ouais, en l'attaquant au porte-monnaie. C'est donc une sorte de déclaration de guerre. Absolument. Et ça se traduit aussi par des licenciements de délégués de la CGT au sein de la caisse primaire. Naturellement, la centrale porte plainte pour entrave à la liberté syndicale. Il s'ensuit une vingtaine de procès qui, à l'exception d'un seul, seront gagnés par la CGT. En même temps, la presse communiste engage une violente campagne de presse contre Lucet. La tension monte donc d'un cran. D'autant que la campagne présidentielle va exacerber encore un peu plus la querelle. Mais je vais y revenir. L'un des axes d'attaque de la CGT contre Lucet, c'est l'embauche de 4 chauffeurs qui sont promus attachés de secrétariat, mais qui seraient en réalité des gardes du corps. Ouais. Quand même, un directeur d'une caisse de la Sécu bénéficiant d'une protection rapprochée, c'est pas banal, hein. C'est vrai, d'autant que pour les adversaires de Lucet, ces 4 types seraient proches du milieu marseillais toujours armés. Un argument vrai ou faux, je ne sais pas, mais qui permet en tout cas au quotidien communiste local d'affirmer que le patron de la Sécu est protégé par des truands dont l'un serait un membre du SAC. Ouais, ça fait mauvais genre. Ça rappelle directement les épisodes de l'après-guerre où certains conflits syndicaux se sont réglés pistolet au poing. Ouais, avec la participation active de quelques gangsters locaux. Hein. Mais bien sûr, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir qui va complètement changer la donne. Rendez-vous avec X. Dans un article de Libération paru après la mort de René Lucet, le correspondant du journal revient sur les débuts du directeur à Marseille. René Lucet n'était pas arrivé à Marseille par hasard. Ses qualités de gestionnaire avaient dépassé depuis plusieurs années les limites de la région de Melun, où il dirigeait auparavant la caisse de la Sécurité sociale. Aussi, quand après une dizaine d'années de gestion difficile, 4 directeurs se sont succédés durant cette période, le poste de directeur s'est trouvé vacant, le collège patronal du conseil d'administration de la Caisse des Bouches-du-Rhône a fait appel à ce technicien, espérant ainsi assainir le fonctionnement de ce service public. Avant même son arrivée dans la capitale phocéenne, les syndicalistes CGT et CFDT avaient mené leur propre enquête sur ce futur patron. Renseignement pris, l'homme s'annonçait tel qu'il a été, dur, entier, autoritaire. Il n'a jamais caché son jeu. Dans la première lettre adressée aux 3300 employés de sa caisse, René Lucet ne disait-il pas « Je suis un homme de caractère indépendant qui assume ses responsabilités. J'écoute avec attention tous les avis, mais je décide seul. » La gauche au pouvoir, c'est le programme commun. Et donc la nomination au gouvernement de 4 ministres communistes. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et à Marseille, pardonnez-moi l'expression, c'est assez pittoresque. Parce que le maire, Gaston Defer, qui devient l'un des principaux ministres du gouvernement... Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. C'est ça. Donc ouais. Defer a toujours été un adversaire résolu des communistes locaux. Il aura même ravi la municipalité. Hein. Donc les uns et les autres doivent mettre leur querelle de côté. Au moins le temps où la gauche restera unie. D'autre part... Defer a également été un supporter convaincu du syndicat FO. Mais sa mairie est devenue une sorte de fief force ouvrière. Hein. C'est parfaitement exact. Alors pour revenir à Lucet, Gaston Defer a d'abord accueilli avec satisfaction la nomination de ce nouveau directeur. Ouais. Et la bagarre que Lucet a engagée contre la CGT n'a pas dû forcément lui déplaire. Ah, ça me paraît évident. Mais la victoire de Mitterrand va l'obliger à modérer son enthousiasme pour Lucet. D'autant qu'assez vite, sa collègue du gouvernement, Nicole Questiot, ministre de la Solidarité Nationale, diligente une enquête sur la caisse de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Et pour quelle raison ça ? Elle a été saisie par les délégués CGT et CFDT qui lui ont transmis un dossier à charge contre Lucet. Ouais, le licenciement là, de quelques-uns de ses délégués. Là. Ah, pas seulement. René Lucet aurait aussi commis des fautes de gestion. Ouais, en fait... Quoi, ils veulent prendre leur revanche, non ? Ça me paraît évident. Dans ce cas-là, le ministère de tutelle envoie sur place des inspecteurs généraux des affaires sociales. À eux d'enquêter. Et de remettre un rapport au ministre. Un résultat ? Avant de vous parler de ce rapport, il faut tout de suite dire que Lucet n'a guère apprécié, bien sûr, l'intervention de ses inspecteurs dans ses bureaux. Et étant donné le portrait que vous avez brossé de lui, ce n'est pas très étonnant. Hein ? Le rapport, donc. Il met en évidence plusieurs points litigieux. Même si le total des sommes dépensées inconsidérément... peut paraître relativement faible eu égard au volumineux budget de la Caisse des Bouches-du-Rhône. Mais quoi, dépenser inconsidérément, mais de quoi s'agit-il alors plus précisément ? Les inspecteurs relèvent d'abord que le compte frais de mission et réception a été multiplié par 30 depuis l'arrivée de Lucet. Ah ben ça c'est pas rien quand même. Hein. Et un autre compte, celui des frais de voyage et déplacement, a aussi augmenté dans des proportions considérables. Dans les pièces justificatives, on trouve de coûteuses notes d'hôtels et de restaurants. Et qui a bénéficié de ces largesses, alors ? Bah, essentiellement Lucet, son adjoint et surtout les 4 chauffeurs gardes du corps. En outre, certaines de ces dépenses sont parfaitement injustifiées et relèvent même de la pure malhonnêteté. Quant à l'agent comptable, qui s'était tout de même étonné, il s'était vu purement et simplement envoyé sur les routes par Lucet en personne. Bref, alors... Si je vous entends bien, là, les abus sont manifestes et prouvés. Incontestablement. Mmh. Et les inspecteurs des affaires sociales mettent en cause la responsabilité directe de René Lucet. Oui, mais avec quelles conséquences pour ce dernier ? Bah, Lucet est bien sûr interrogé sur chacun des points litigieux, mais il a de la répartie. Et surtout, il met en avant que sa politique de gestion a déjà permis à la Caisse de faire d'importantes économies. Ce qui est vrai ? En grande partie, oui. Et rapidement, Lucet affirme qu'on lui fait un procès politique. Ah oui, parce qu'il a osé s'en prendre à la CGT. Bah, c'est bien sûr sa défense. En fait, prétend-il, on lui reproche ses convictions politiques. Mais à Paris, Nicole Questiot n'entend pas lâcher le morceau. Accusé de manquements graves et de pratiques coupables, René Lucet perd son agrément de directeur au début du mois de mars 1982. Mais entre-temps, il s'est battu comme un beau diable et a essayé de mobiliser tous ceux qui comptent à Marseille. Ah, cependant, les temps ont changé. Et même Defer, qui l'avait d'abord accueilli chaleureusement, ne fera rien pour le défendre. Surtout qu'on est alors en pleine campagne électorale pour les cantonales. Toutefois, Lucet aura auparavant bataillé une dernière fois en mobilisant en sa faveur les employés FO de la Caisse et même en persistant à occuper indûment son bureau. Mmh, ouais, enfin quoi qu'il en soit, début mars 82, c'est ça ? Mmh. C'est fini. Et le grand patron de Force ouvrière, André Bergeron, a lui aussi lâché Lucet. Le 3 mars exactement, ce dernier quitte pour toujours l'immeuble de la Caisse des Bouches-du-Rhône. Il est alors 18h30 et il regagne son domicile marseillais. Une très belle villa dont nous aurons à reparler. Mmh. Lucet était marié ? Ouais, il avait 2 enfants. Toute la soirée et une partie de la nuit, il remâche son aigreur, compulse des dossiers et doit envisager une riposte éventuelle. Mais d'accord, mais à cet instant, que peut-il faire ? Bah, il est bien décidé à se rendre à Paris et à demander des comptes à son ministre. Un de ses subordonnés lui a même déjà pris un billet d'avion. Oui, c'est très important, ça, et surtout étant donné la suite. Oui, ça ne ressemble pas à la décision d'un homme qui va se donner la mort. Bon, au petit matin, toujours très agité, il demande un verre d'eau à son épouse. C'est cette dernière qui raconte. Bien entendu. Ouais. Françoise Lucet descend à la cuisine. Et à ce moment-là, toujours d'après son témoignage, elle entend un curieux bruit qui vient de la chambre. D'où elle vient de sortir, hein. Oui, comme une porte qui claque. Puis tout de suite après, il y a un deuxième bruit, une détonation. Et lorsqu'elle remonte précipitamment à l'étage, elle découvre son mari recroquevillé sur son lit, la tête ensanglantée, un revolver dans la main. La suite est pour le moins étonnante. À raconter. Madame Lucet a un curieux réflexe. Au lieu d'appeler aussitôt la police, elle téléphone à l'un des collaborateurs de son mari. Quoi, l'un de ses chauffeurs garde du corps, hein? Oui, oui, et l'homme accourt le plus vite possible. Puis, mais combien de temps après la mort de Lucet, elle prévient enfin la police. Ouais, c'est effectivement ça, très très bizarre. Hein. Et ça continue. Des policiers puis des pompiers surviennent. C'est la plus grande confusion. D'autres subordonnés de Lucet arrivent à leur tour et sont admis à pénétrer dans la chambre à coucher. Autant dire qu'on ne se préoccupe guère de préserver l'intégrité de la pièce. Mais d'abord parce que, à ce moment-là, personne ne met en doute le suicide. C'est effectivement la vérité. Quant aux policiers, ils commettent erreur sur erreur. Après avoir pris les empreintes digitales du mort, ils lavent ensuite ses mains. Ah oui, effacent ainsi les éventuelles traces de poudre qui auraient dû s'y trouver. Oui, autre chose, qui aura plus tard une grande importance. Il y a des taches de sang sur les murs et au plafond. Mais les proches sont autorisés à tout nettoyer. Mais quand même, attendez, la police judiciaire laisse tout faire. Toutefois, on doit quand même à l'intervention de l'un de ces officiers de retrouver une balle dans un oreiller. Ouais. Puis ce sera alors l'autopsie, cette stupéfiante découverte. Hein. Deux projectiles ont été tirés et les deux munitions ont traversé le crâne de Lucet. Exactement. Mmh. Bah, avant d'en venir à cette énigme médico-légale, je dois dire que dès l'annonce de ce qui apparaît comme un suicide, la presse de droite se déchaîne. Pour le quotidien de Paris de Philippe Tesson qui mène la danse, il est clair que c'est Nicole Questiot qui a virtuellement tué René Lucet. Lucet, victime d'une chasse aux sorcières et même d'un procès stalinien. Pour le journal, la ministre doit donc démissionner. Et le fait que la campagne électorale pour les cantonales batte son plein ajoute à ce tumulte vengeur et pas tout à fait innocent. La gauche, il faut le remarquer d'ailleurs, perdra d'ailleurs ce premier test électoral après la victoire de Mitterrand. Et le retentissement de l'affaire Lucet aura incontestablement contribué à cette défaite. Pourtant, la thèse du suicide paraît assez rapidement douteuse. Mais là aussi, la confusion la plus grande va régner. Pour les deux premiers médecins légistes qui pratiquent l'autopsie, les lésions cérébrales provoquées par le tir étaient à chaque fois susceptibles d'entraîner une mort instantanée. Donc, Lucet, décédé une première fois, n'aurait pas pu tirer lui-même la deuxième balle. Ce devrait être leur conclusion. Mais dans leur rapport, ces experts, certainement embarrassés, avancent une explication assez alambiquée. Je vous passe les détails techniques, mais ils émettent l'idée que la première charge aurait fait long feu. Mais c'est-à-dire que la balle serait restée dans le canon. Mais le deuxième tir aurait projeté la première munition bloquée dans le canon. D'où la présence de deux trajectoires dans le crâne. Et aussi de deux orifices de sortie. Mais cette version ne tarde pas à être mise en cause par les spécialistes en balistique. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a parlé du déchaînement de la presse de droite après l'annonce de la mort de René Lucet. Un journaliste enquêteur a très vite repris à son compte ses accusations souvent outrancières. Jean Montaldo, généralement considéré comme peu éloigné de la droite extrême, publie dès le mois de juin 1982 « 850 jours pour abattre René Lucet, les secrets d'une exécution politique ». Le ton est donné dans la quatrième de couverture où Lucet est présenté comme l'Eliot Ness de Marseille, qui a eu le courage de se battre contre l'empire inconnu des mutuelles communistes, vivant au crochet de la sécurité sociale, un vrai racket des professions de santé, des détournements colossaux de fonds publics. Au 850e jour d'une guerre implacable, peut-on encore lire, Lucet se tue pour vaincre. Dès lors, une seconde affaire Lucet commence, c'est le complot contre un mort. Notons simplement qu'au moment où l'auteur écrit son livre, il n'a pas encore connaissance des rebondissements qui vont suivre et éclairer de façon beaucoup moins simpliste les coulisses de la caisse de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. La balistique, donc. Je crois que vous-même vous êtes intéressé à ce sujet. Oui, j'en ai fait consacrer un chapitre de mon livre sur la police scientifique à ce cas exemplaire. Bon, alors je vais vite. Ouais, pour une fois. Je n'en réplique même pas. Bon, ce qui étonne d'abord les experts du laboratoire de Marseille, c'est que lorsqu'un projectile fait long feu et qu'on tire à nouveau, il se produit forcément une dangereuse déformation du canon de l'arme. Ouais. Or, le canon du revolver de Luce est intact. Deuxièmement, lorsque ces spécialistes examinent les balles, l'une retrouvée dans un oreiller et l'autre dans le crâne de Luce, ils constatent qu'elles ne montrent aucune marque d'écrasement indiquant qu'une d'entre elles aurait pu être poussée par l'autre. D'autre part, aucune explication ne peut être donnée au fait que des gouttes de sang ont été projetées jusqu'au plafond. D'accord, mais enfin, vous avez vous-même souligné que la scène de crime, enfin, appelons-la comme ça, n'avait pas été protégée. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Même la position du corps est sujette à caution, mais il y a encore des points beaucoup plus troublants. Le fait, par exemple, qu'il n'y a qu'un orifice d'entrée pour les deux balles. Dans le cas d'un suicide, ça apparaît aberrant. Bah, expliquez quand même. Bon, admettons, ce qui est déjà hautement improbable, qu'après un premier tir qui a déjà causé des dégâts considérables dans sa boîte crânienne, Luce eut le réflexe d'appuyer à nouveau sur la détente. Il n'aurait pas pu placer le canon de son arme au même endroit. Même endroit exact. Ouais. Mm-hmm. Ouais, à cause du recul entraîné par le premier tir. Exactement. Ouais. J'ajoute, et là je me fie à des observations de spécialistes, qu'il est nécessaire pour tirer un second coup avec l'arme de Luce d'exercer une pression considérable sur la détente. Un mourant aurait-il eu la force de le faire? C'est encore une fois hautement improbable. Et je tiens alors, pour ma part, qu'un médecin légiste très connu à l'époque, le docteur Martin, a pratiqué des tirs expérimentaux avec une arme semblable à celle de Luce en compagnie d'un neurochirurgien. Alors, je continue. Ils ont noté que le premier tir contre l'oreille était si assourdissant qu'il assommait littéralement le sujet, et qu'il était ensuite impossible à ce sujet de soulever à nouveau une arme aussi lourde et de replacer le canon dans son conduit auditif. Et pourtant, malgré toutes ces contradictions et deux nouvelles autopsies, le juge d'instruction n'arrivera pas à se faire une opinion et finira en 1987 par prononcer un non-lieu. Alors, c'est donc toujours la thèse du suicide qui prévaut. Et on ne peut exclure celle de l'assassinat. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sur ce point précis. Même si vous avez votre opinion. Disons simplement que j'ai du mal à croire au suicide. Au moins c'est clair. Mais venons-en à la suite. La mort de Luce n'étant au fond que la partie émergée de l'iceberg. Ou plutôt l'élément déflagrateur qui va se révéler dévastateur au fil des semaines. Je vous explique. La juge d'instruction chargée de l'affaire s'intéresse normalement au patrimoine de Luce. Ouais, et elle en vient très vite à la conclusion que l'ex-directeur de la Caisse des Bouches-du-Rhône vivait au-dessus de ses moyens. Ouais, plus précisément. Mais il y a d'abord la très belle villa qu'il occupe dans le quartier de Saint-Barnabé. 10 pièces, une piscine, un petit château, selon les mots même de Luce, qui était très fier de sa maison. Or, la magistrate découvre que Luce a acheté cette villa à prix cassé, pour la moitié de sa valeur réelle. Mais c'est l'identité du vendeur qui intrigue la juge, Nick Venturi. Quoi, le gangster? Attention, ex-gangster, ah, okay. Depuis la célèbre affaire du Combinati. Le Combinati, c'était un énorme trafic de cigarettes entre Tanger et la France. Qui a donné lieu à quelques règlements de compte très sanglants, oui. Donc, depuis cette affaire qui date des années 50, Venturi, qui a été à peine inquiété, s'est rangé. Au moins apparemment. Car un peu plus tard, les agents antidrogue américains le soupçonneront d'être l'un des commanditaires de la French Connection. Mais, faute de preuves, Venturi passera à travers les gouttes. Et depuis, dans le milieu, il était généralement considéré comme une sorte de juge de paix. Oui, un sage. Faut dire aussi que Venturi s'est engagé très tôt dans la résistance et qu'il a été un compagnon de combat de Gaston Defferre. Et ça, ça crée des liens très profonds. Et durables. Mmh. C'est pourquoi on a longtemps présenté Venturi comme étant l'un des porte-flingues du maire de Marseille. À une époque où les rues et les quais de la ville étaient très chauds. Et c'est un euphémisme. Venturi a donc conservé l'amitié de Defferre malgré son passé sulfureux. Et osons le dire, ça lui a permis de conclure de fructueuses affaires, car notre homme est devenu entrepreneur et sa société, la CGEM, c'est-à-dire la Coopérative d'Entreprise Générale du Midi, va très souvent travailler pour la municipalité de Marseille, tandis qu'une autre entreprise, montée par son fils, obtiendra le marché des jardins publics et des ordures ménagères. Joli succès, hein. Mais Est-ce qu'il y a des magouilles là sous toutes ces faveurs octroyées à la famille Venturi? Ben d'abord, il faut dire que Defer n'est pas le seul à s'occuper de ces affaires de marché. Il y a des adjoints qui entretiennent les meilleures relations du monde avec l'ami du maire. Toutefois, à la fin des années 70, Venturi connaît des difficultés financières. C'est facile, hein? À la suite de la signature d'un important contrat, toujours avec la municipalité, l'ancien gangster se voit obligé de faire appel à des sous-traitants. Et ça se gâte, parce qu'il y aura bientôt des impayés. Il a eu les yeux plus gros que le ventre, au fond. Ouais, c'est un peu ça, et de faire mis au courant se fâche. Quoi qu'il en soit, Venturi, soi-disant pris à la gorge, doit rapidement se refaire. Et c'est alors qu'il aurait accepté de vendre sa villa à moitié prix à René Lucet. Mais la juge d'instruction aura beaucoup de mal à croire à cette explication. Oui, et elle soupçonnera Venturi d'avoir fait en réalité un cadeau à Lucet. Un gros cadeau, et plus d'un million de francs de l'époque. En effet. Mais quand on fait ce genre de cadeau, c'est qu'on espère en tirer des contreparties, non? Ah, bien évidemment. Alors, la magistrate commence à s'intéresser aux comptes de Lucet. Ses comptes privés, d'abord, où elle observe que régulièrement, un virement de 10 000 francs arrive chaque mois à l'ordre de Lucet. Ouais, première interrogation. Et ensuite, elle met son nez dans la comptabilité de la Caisse d'assurance maladie. Et là, elle s'aperçoit très vite que cet organisme a passé des marchés avec l'entreprise de Venturi. Il s'agit de plusieurs contrats conclus de gré à gré. Donc sans appel à la concurrence. Oui, ouais, sauf que la relative modestie de ces contrats l'autorise. Mais quand il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Ah oui, la multiplication. Oui, la juge est amenée à penser que la contrepartie du cadeau de la villa se trouve là, dans ces marchés. Mais ce n'est qu'un début, parce qu'en fouillant, la juge et les policiers vont découvrir une véritable embrouille. Tout un système à base de fausses factures qui servait à siphonner l'argent de la caisse, pour le plus grand bénéfice de Venturi et des sociétés fictives ou non, qui travaillaient pour lui. Parce que certaines n'étaient que des coquilles vides. Et n'avaient qu'une simple adresse postale. Mais vous connaissez bien le principe de ce système de fausses factures qui permet de fabriquer de l'argent noir qu'on blanchit ensuite, enfin, inutile d'insister. Quoi qu'il en soit, cette première découverte a déclenché un véritable scandale à la mairie de Marseille et provoqué une énorme colère froide de Defer. Garçon Defer qui n'était pas particulièrement patient ni tendre. Alors aussi, le ministre convoque-t-il une conférence de presse dès qu'il est informé des premiers résultats des investigations. Il déclare à peu près ceci. J'irai jusqu'au bout pour que la lumière soit faite. Personne ne sera protégé, qu'il s'agisse de mes collaborateurs ou de mes propres amis. C'est une question de morale et d'honneur. Ouais, c'est bien du de faire ça. Et il applique tout de suite là ce qu'il vient de dire? Immédiatement. Dès ce jour, Venturi, son ami de 40 ans, est persona non grata à la mairie de Marseille. Mais ça ne s'arrête pas là. Juges et policiers continuent à tirer des fils. Et c'est ainsi qu'ils vont découvrir un autre réseau de faux facturiers. Des types qui ont agi à une échelle encore plus grande. Et cette fois, il y en a pour des dizaines de millions de francs détournés. Et qui étaient ces personnages? Des gens plutôt bien placés dans les administrations ou dans le monde de l'entreprise. Mais l'âme de l'affaire est un certain Julien Zemmour. Zemmour, là, comme le patronyme de ce célèbre clan de gangsters? Exactement. Ce Julien était un de leurs cousins. Mais il était surtout inspecteur des impôts à Nice. Ah. C'était bien pratique, puisqu'il était en principe chargé de contrôler ces sociétés fictives qui établissaient les fausses factures. J'ajoute qu'à l'occasion, on a mis en cause des gens proches du Parti communiste. Alors à gauche aussi. Et pourquoi pas? Enfin, j'en aurais terminé pour aujourd'hui. On ne peut pas ne pas se poser la question des rapports de Lucet avec le SAC, cette organisation gaulliste qui a trop souvent donné la preuve qu'elle utilisait des moyens mafieux. Et souvent en liaison avec le crime organisé. Hein. Dont Nick Venturi était, semble-t-il, devenu une sorte de juge de paix, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Le monde est tout petit. En tout cas, il faut relever que le bras droit de Lucet à la caisse, un certain Dauchier, membre du SAC, a disparu juste après la tuerie d'Auriol qui a eu lieu quelques mois avant la mort de Lucet. Disparu, que vous voulez dire, parce qu'il y a certains personnages mêlés à cette affaire qui, eux, ont disparu définitivement. C'est vrai, mais Dauchier, lui, après plusieurs mois, et nul ne sait ce qu'il est devenu, a soudain réapparu. Au reste, il n'était pas le seul lien de Lucet avec le SAC. Un autre de ses collaborateurs était si proche de l'organisation gaulliste qu'il a été inculpé après la tuerie d'Auriol. Et puis, il y a ces curieux chauffeurs gardes du corps. Membre du SAC aussi? Je ne sais pas. Mais je vous rappelle que c'est l'un d'entre eux que Mme Lucet a rappelé avant même la police. Et là encore, on peut se demander si en réalité, il n'était pas présent avant la mort de Lucet. Alors, l'assassin? Ah non, non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je remarque aussi que lorsque pour la première fois Mme Lucet s'exprimera devant la presse, elle sera accompagnée par ces mêmes curieux chauffeurs. Mmh. Alors, pour revenir quand même à la tuerie d'Auriol, là, pourrait-il y avoir un lien avec Lucet ? Bah, allez savoir. S'il a été assassiné, ce qui n'est pas prouvé, c'est qu'il en savait trop. À propos d'Auriol ou de toutes ces magouilles dont nous avons parlé. Et puis, n'oubliez pas qu'il devait se rendre à Paris. A-t-on eu peur qu'il parle ? La question mérite d'être posée. Une citation pour en finir. Je l'ai trouvée dans un livre de Thierry Volton, « Les écuries de la cinquième ». Il écrit qu'Alain Madelin, dans un accès de sincérité, souligne l'auteur, a déclaré que la fausse facture est à l'univers politique aussi nécessaire que l'air pur à un homme naturellement constitué. Mais le très libéral Madelin parlait forcément d'une époque aujourd'hui révolue.